dia se eu vou pra rua. Pergunta se já me viram no cabaré. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou, eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse alguém sou eu. Yeah. deixa que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo. És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz mudar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nenhuma tem o brilho encantante como dos teus olhos, minha pedra rara. Não morena se você, meu mundo. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Bonjour à vous toutes, il est midi 45 minutes, et bien bonjour à tous à vous toutes, et puis merci à Jérôme avec l'émission du matin pour le dimanche entre 10h jusqu'à 12h30, et que vous allez le retrouver dimanche prochain. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec à partir de 13h30. Eh bien, vous allez retrouver l'émission comme tous les dimanches avec l'accordéon. Mais avant l'accordéon, eh bien, je vous laisse avec de la musique non-stop. Too many people in my trouble, but the one of the world money just can't see.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands, n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire, qu'on meure de leur connerie. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans leur monde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Et tu devrais faire pareil, mon garçon. Dans quelques temps, ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Tout le monde a le droit de devenir grand. Et ça danse, danse, danse, danse. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants.

Apertadinha, tu vives apertadinha dentro do meu coração.

avec le tango et juste après le boléro. danse le fox dans les rues de la ville, c'est épatant. Moi, mon plaisir, c'est de danser le fox en famille, de voir swinguer l'oncle Roger et la tante Léa. J'aime regarder le cousin Léon et sa fille Camille. Mon père, ma mère retrouvent leurs 20 ans, c'est super sympa. C'est du bonheur de faire ensemble fox en famille. Qui redonne la forme et du tagada. Papi, mamie tape dans les mains et tout le monde sautille. Les années folles sont avec nous tout comme autrefois. Papi, mamie tape dans les mains et tout le monde sautille. Les années folles sont avec nous tout comme autrefois. Papi, mamie tape dans les mains et tout le monde sautille. Les années folles sont avec nous tout comme autrefois. Voici donc le boléro et suivi du Madison. chaque matin dans mon petit journal. On a la preuve que tout va très mal. La météo annonce l'été avec une grosse canicule et un hiver à geler les rotules. En politique, c'est pas beaucoup mieux. À gauche, à droite et même au milieu, on nous promet une vie super, que demain tout va changer. C'est vrai, on peut toujours espérer. Dansons tous les mains, ils sont des gens heureux. En attendant que résonnent des jours plus bleus. C'est un style que j'affectionne, c'est du sérieux. On se sent bien, c'est curieux. Dansons tous les mains, ils sont des gens heureux. C'est la solution, on s'en garde en moins d'eux. On est tous en super forme, c'est merveilleux. Et la vie chante comme on veut. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2. Et bien aussi la polka. Thank you. chance de chanter un petit coin pour moi sans égard. Garde mes mille montants, sans toujours montants, mais en redescendant les rues de mes mille bûches. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant qu'ils s'en vont chantant mes mille montants. Reste avec la marche et puis juste après la Java. Thank you. Vous écoutez Radio avec oui toujours bon, on reste avec la salsa. donc la tarentelle. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais. Espagne, on la trouve géniale. Aux quatre coins de la France, elle fait chanter les cœurs. Voici le Boston et juste après la valse. la samba. Gilles Le Passo. Thank you. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de Lorient. Et je vous laisse avec le country, puis juste après la guinguette. Thank you.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2. Après la valse, c'est bien aussi le tango. Et je vous laisse avec la tarentelle. jamais de somme. Pour ce bonhomme, plein d'insouciance, il vit son enfance, son cas l'adolescence. Ce petit bonhomme, on le surnomme d'un joli mot très rigolo, c'est le petit Toto. Voici la samba. chavirer le cœur. Tandis qu'on glisse à petits pas, serrant celui qu'on aime dans ses bras. Tout allons vite dans un frisson, en écoutant jouer la et juste après Slow. Après deux ou trois petits pernos, je

souvent. Quand on a 70 ans, c'est papy, c'est mamie, on garde nos petits enfants. Quand on a 80 ans, alors là maintenant, c'est nos derniers élans. Quand on a 90 ans, on pense à nos 20 ans, nos souvenirs d'antan. D'accordéon qu'on va se quitter, mais avant de se quitter, nous sommes déjà dimanche et demain lundi. Donc eh bien voici la programmation pour lundi soir à partir de 19h jusqu'à 21h. Vous allez retrouver Manu pour l'émission de The Rock, et puis juste après lui 21h, 23h avec Rémi pour le rédac du sport. Voilà pour moi, eh bien, on se retrouve dimanche prochain, mais aussi on se retrouvera mardi à partir de 13h30 jusqu'à 17h, et puis ainsi vendredi, pareil, la même heure. Voilà, donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. C'est au bal des amoureux que le ciel devient bleu lorsque dehors il pleut.

sont à nos champs, dans son hasard, triomphe d'un est-ce que mes cases, si tu dis je t'aime, et